Ça parle beaucoup, beaucoup à Montréal de Patrick Roy, mais depuis un mois, ça fait un mois qu'on tente de faire l'entrevue. Il y a toujours un problème. Puis finalement, ben, ça tarde bien parce qu'évidemment, avec ce qui se passe avec les Canadiens, ben, le dossier Patrick Roy, c'est Mike. On va parler avec Mike Chambers du Denver Post. Mike Chambers qui est sur le beat de l'Avalanche du Colorado. C'est lui, il y a quelques semaines, qui a sorti une rumeur comme de quoi que Samuel Girard était sur le marché des transactions. Et comme c'est une entrevue anglophone, ben, je fais appel à mon traducteur anglais, anglophone, Michel Ducasse. Michel, Salut, Danny. merci beaucoup encore une fois. Et c'est grâce à toi, ben, les entrevues sont. On peut faire maintenant des entrevues anglophones. Parce qu'évidemment, moi, je ne parle pas anglais. Malheureusement, c'est un des regrets de ma vie. Première question, évidemment, depuis qu'est sortie la nouvelle de Samuel Girard, on va lui expliquer d'abord que Samuel Girard, c'est une grande vedette ici dans la région. Que Pierre Lebrun a démenti cette rumeur. Est-ce que c'est encore possible que Joe Sakic l'échange au moment où on se parle? Mike Danny is asking you, since you put out the news about the Samuel Girard being on the trading block, the news has been denied by notably Pierre Lebrun from TSN. So what's up with the update on that? Well, I never said the trade was imminent. I said that the Avalanche are very impressed and happy with all of their defensemen. I didn't say that a trade was ever in the works, but I wrote that if there is one defenseman who might be expendable, who can give the Avalanche the leverage in terms of their contract to get a forward, I said that it's probably Girard, based on the fact that he has a $5 million cap hit, and he's basically the same defenseman in a lot of ways as Devon Taves and Cale Makar and Bo Byram. And I said that the reason why the Avs might look to move Sam Girard is based on the growth of Bo Byram, who is, in a lot of ways, they're very similar defensemen. I mean, how many defensemen like this can you have on your team, especially when Bo Byram needs to get paid in a year and Sam Girard is making $5 million? So I never said a trade was imminent. I just said that if the Avs are going to make a move on trading one of their defensemen, I think it will be Sam Girard. Donc, j'ai pu comprendre qu'il y a une transaction imminente impliquant Samuel Girard. C'est ça, Michel? Non, c'est totalement le contraire. OK, OK. Excusez. En fait, ce que Mike nous dit, c'est que ce que lui a écrit dans le Denver Post, c'est pas qu'il y avait une transaction imminente. Okay. C'est que lui a fait l'analyse du personnel de défenseurs de l'Avalanche. OK. Et il dit qu'à 5 millions, Samuel Girard pourrait être attirant pour certaines équipes. Okay. Si l'Avalanche décidait de se débarrasser d'un défenseur pour acquérir un attaquant, par exemple. OK. Il a parlé de Cale Makar et de Bo Byram, qui sont des défenseurs avec l'Avalanche qui ont des styles à peu près similaires à celui de Samuel Girard. Donc, comme Samuel Girard a un impact sur le plafond salarial qui est plus élevé à 5 millions de dollars, ben ça serait probablement lui. Qui serait, si l'Avalanche décidait de faire un move, ah, okay, ça serait probablement lui là, qui pourrait être sur le trading block, comme on dit, sur le bloc des échanges. Parce que ça avait été marqué hein, que Girard Samuel pourrait être sur le marché. Rappelle-toi, Michel, quand ça a sorti cette nouvelle-là, ben, effectivement. On va y aller comme ta question en anglais également, va poser en français, donc on va y aller en alternance comme on fait l'habitude. OK. Donc, ce que je vais lui demander, c'est s'il a entendu parler de possibilités de transactions. Donc, si véritablement, parce qu'il n'a pas écrit, mais est-ce que la nouvelle a évolué depuis ce temps-là? Mike, I'm going to ask you the question again, but a little differently. Well, you stated that you never wrote that Samuel Girard was on the trading block. But since you put out the news, you published the article, was there any evolution in the Samuel Girard file over there? Well, one, it wasn't news. It was a column. As a column, I'm speaking my opinion. So I didn't, you know, it's not based on sources or facts. It's a column, what I think. What's more of an analysis? Analysis, okay. Exactly. Okay. And that came before Bo Byram suffered a concussion and missed a couple of weeks. So obviously with Bo Byram in the mix, Sam Girard is even more valuable. I never said that Sam Girard was not valuable to the Colorado Avalanche. He is. The Avs love him. But they also know that he's worth a lot if the team wanted to go and get a top six or a top nine forward. And that's what I wrote, especially given the fact that Bo Byram, a healthy Bo, if Byram's healthy in the lineup, then he plays basically the role that Sam Girard does. OK. Donc, c'est ça. Mike nous dit justement que ce n'était pas dans le cadre d'un article que sortait. Okay. C'était pas un scoop. C'était vraiment plus, en français, on dit une colonne. Là, c'est plus, il a plus fait une analyse, si on veut, c'est très marginal. Des passes en présence. Okay. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les dirigeants de l'Avalanche aiment beaucoup Samuel Girard. Et il y a aussi le fait que depuis ce temps-là, ben, Bo Byram a subi une commotion cérébrale qui l'a mis sur la touche pendant quelques semaines. Donc, à cet effet-là, ça veut dire que Samuel Girard devient encore plus important dans l'alignement de l'Avalanche. On est de retour finalement. On a toutes sortes de problèmes. Tu sais, quand ça, une entrevue, ça va mal, ben, c'en est une cet après-midi. On a réglé le problème finalement. Donc, c'est la partie 2. Donc, la partie 1, vous l'avez eue plus tôt. Là, on va commencer avec la partie 2. On va y aller avec le dossier Patrick Roy qui fait couler beaucoup d'angles. Donc, à Montréal, Mike Chambers a été sur le beat de l'Avalanche quand Patrick Roy était l'instructeur-chef de l'Avalanche. Et je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense du dossier Patrick Roy à Montréal, parce que il a sûrement entendu parler de ce qui se passe ici. Donc, okay, so I'm going to ask the question again, Mike. As I said, there was a lot of hoopla in Montreal after the firing of Marc Bergevin. Patrick Roy did nothing to appease the rumors of his... And he stated clearly to the Montreal media that he was interested in getting the GM job in Montreal. What's your perspective since you've known Patrick Roy as a head coach, I guess? What are your two cents on that? Well, I knew him as a player and a coach. I covered the Avalanche on a part-time basis as early as 1995 when the team... came to Colorado from Quebec. And then when Patrick became coach, I was one of the two main beat writers. So I had a lot of interaction with Patrick. I worked with him a lot. And I thought that when he was Joe Sakic's first hire as coach, I thought that the city was really, really excited about having their two Hall of Famers as the two top executives of the club. But it just didn't, after that first year that they had a 112-point year, they had two really bad years after that. And Joe Sakic hired Chris McFarland from Columbus. And it seemed like Joe Sakic was leaning more on Chris McFarland than Patrick Roy, who was supposed to be his number one A guy. And I'm pretty sure, I'm almost positive that Patrick was upset that Joe was taking advice from another person outside of him. And I think that's what led to their dispute and the end of their relationship. But I still think very highly of Patrick Roy. He was a great player. He was a good coach for a year here in Colorado and everybody loved him. He's a great guy. OK. Donc, il dit, Mike, qu'il a une très bonne opinion de Patrick Roy. Il explique les circonstances dans lesquelles Patrick s'est retrouvé comme entraîneur-chef avec l'Avalanche du Colorado. Et il parle aussi de l'atmosphère qui régnait à l'époque où Patrick Roy, justement, est devenu coach de l'Avalanche. Faut se rappeler que c'est Joe Sakic qui a engagé Patrick Roy à l'époque, quand il est devenu DG, Joe Sakic. Et aussi qu'à l'époque, les gens au Colorado voyaient ça d'un très bon œil parce qu'on avait les deux membres du Temple de la Renommée qui devenaient finalement le one-two punch de l'Avalanche, là, directeur-gérant et entraîneur-chef. Par contre, quand Joe Sakic, l'Avalanche a eu deux plus ou moins bonnes saisons après une première saison de 112 points, Joe Sakic est allé chercher conseil auprès de Chris McFarlane, qui était avec les Blue Jackets de Columbus, et semble-t-il que Patrick Roy n'a pas trop apprécié. C'est là que la relation s'est un peu envenimée et s'est terminée l'entrée du sang. OK, OK. Vas-y avec une question, puis moi je vais y aller avec une question, puis on va finir, parce que Mike a un match ce soir, puis nous, on a eu tellement de problèmes techniques, au moins complétés. Donc, vas-y avec ta dernière question, puis moi je vais y parler de Carey Price, s'il pourrait intéresser l'Avalanche. OK. Mike, still regarding Patrick Roy. You told me you spoke very highly of him. Since he left the Avalanche, he had the opportunity to take a lot of experience as a coach with the Quebec Ramparts in the Quebec Major Junior Hockey League. Do you think this would help him out if he got the job as a GM in Montreal? I don't know. I haven't talked to Patrick in a long time. He got a new cell. He doesn't have his Colorado cell phone anymore. I know that. It's been a long time. I don't really know the ins and outs of what he's been up to. So I'm sorry. I just can't answer that question. Okay. J'ai posé la question à savoir parce que depuis que Patrick a quitté l'Avalanche, évidemment, il a pris le contrôle littéralement et puis disons-le comme ça des Remparts de Québec. Il a pris beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur-chef, sauf que Mike nous dit qu'il n'a plus le numéro de cellulaire de l'Avalanche et il n'a pas parlé à Patrick Roy depuis un bon bout de temps. Donc, c'est difficile pour lui de répondre à cette question-là, okay. À savoir si l'expérience qu'il a prise comme entraîneur-chef avec les Remparts pourrait lui être utile en tant que DG du Canadien. Dernière question, parce qu'on va laisser Mike aller. Il y a un match ce soir. Last question, Mike. Carey Price. Il y aura beaucoup de discussions actuellement. Tu sais, le Canadien, Jeff Gordon, le nouveau directeur général qui sera en place. Il y aura un ménage à faire. Je regarde DC Comper comme gardien de but avec l'Avalanche. C'est pas terrible jusqu'à maintenant comme statistique. Et moi, je regarde que le match. Est-ce que Carey Price pourrait intéresser l'Avalanche? Okay. Mike, you know there's a lot of speculations regarding Carey Price with the arrival of Jeff Gordon in the Montreal Canadiens organization. And when you look at the goaltender situation in Colorado, it's not really bright, even though you have a couple of bright spots here and there. But Darcy Kuemper has not delivered yet. Do you think a guy like Carey Price could be of some interest for the Colorado Avalanche? Some interest, for sure. But in terms of his contract, there's very, very little chance that the Avalanche could take over a contract when that, especially with Nathan MacKinnon needs to get paid in a year and a half, and he's going to make at least, what, $12 million? You've already got Mikko Rantanen at 9.3, Cale Makar at 9, Gabe Landeskog at 7. I don't, and then Bo Byram is coming up and Sam Girard's at 5. I just don't think that the Avalanche would be able to afford Carey Price. Est-ce qu'il y a 5 millions Carey Price? Parce qu'on sait tous que les Canadiens devront prendre une partie du salaire. Est-ce que 5 millions, il y a de la place pour. J'ai pas regardé que sur Cap Friendly. Admettons, si le Canadien prend 50% du contrat. Danny asks, would it be of some interest if the Canadians were to pick up part of the tab for the contract, for Carey Price's contract? If they retain part of the contract, I think that'll help, sure. But, I don't have the Avalanche balance sheet, but I just know that things are going to be really tight when MacKinnon signs his next deal and Bo Byram needs a contract, and you've already, as I said earlier, have those big contracts with Mikko Rantanen, Kale McCarr, and Gabe Landeskog, and even Gerard. Okay. Donc, Mike nous dit que même en retenant une partie du salaire de Carey Price, le Canadien, même si le Canadien retient une partie du salaire de Carey Price, Nathan MacKinnon, dans un an et demi, va sûrement demander quelque chose comme 10 à 12 millions de dollars. Il y a des gars comme Mikko Rantanen, Kale McCarr, qui ont déjà des gros contrats à 9 et 9 millions et demi de dollars. Tu as Gabriel Landeskog à 7 millions. Samuel Girard à 5. Donc, il y a Bo Byram, évidemment, là, qui va commander un plus gros salaire lui aussi au cours des prochaines années. Donc, selon Mike, il y a très peu de chances là, qu'on voit Carey Price en uniforme de l'Avalanche du Colorado. Thanks a lot. Merci beaucoup, Michel. Excuse-moi si j'étais d'habitude en alterne, mais là, tu comprends qu'on a quand même. Non, il n'y a pas de problème. On a pris beaucoup de ton temps, puis déjà, il y a un match ce soir. On va le remercier, puis on va s'excuser encore de l'erreur, des erreurs techniques. Donc, voilà. Well, Mike, thank you for your time. We apologize for the technical difficulties. We know you have a game tonight, so thanks again. And maybe we can do this again sometime with no technical difficulties this time. I'd love to. Thank you. Thank you. Donc, Mike you. Chambers du Denver Post qui couvre l'activité de l'Avalanche du Colorado. Merci, Michel. Ben, nous, on va se reprendre à la prochaine entrevue anglophone. Merci encore pour ta grande générosité. Ça n'a pas été facile de faire cette entrevue-là. Normalement, c'est beaucoup plus facile, mais que veux-tu? C'est l'Internet, c'est très plaisant, mais quand on a des problèmes, c'est ça que ça donne. Fait que les gens peuvent écouter sur l'audio également, sur toutes les plateformes et sur YouTube, ainsi que sur dans Radio Sport. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, la technologie, c'est le fun quand ça fonctionne. Oui, quand ça fonctionne. Puis aujourd'hui, on a eu vraiment des problèmes, puis ça a vraiment mal tombé, parce que c'est un gars que ça faisait longtemps que je courais après. Je ne sais pas si ça va donner, mais peu importe. Merci beaucoup, Mike. On se reparle pour une prochaine entrevue anglophone. À la prochaine. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était Mike Chambers du Denver Post et Michel Dugas, mon traducteur. Merci, Mike. Merci. Salut. Merci.